toujours été mon rêve de danser dans cette émission. Eh bien, va te recoucher. Bonne nuit. Mais tu peux te pencher et me saluer, car je suis Miss Baltimore.